Bismillahirrahmanirrahim. Dans la dernière lettre, on avait pris quoi ? C'est quoi ces huruf qui précèdent le hamza, c'est mis en début de lettre, en début de mot ? وهو اللام لأنتم أشد منهم رهبة كذلك إن رأيت كباسيتي حمزة الاستفهام سي فيا دوفون حمزة قط ما في تغير فهمت أنتم أي لهم مع الله أئنكم أئنا غير ذلك أما سي رونت سور أن كلمة مبدوءة بحمزة الوصل لا خمسة بلاس حمزة الوصل لو نيو ليكري دون برونس تقول استغفرت ربك فهمت مثلا. Et c'est quand justement qu'on écrit le med? On écrit le med? Elle. Vous écrit le med? Elle. Ça donne Allah. Al-An. Voyez. Al-Zakarayn. Harrama. Al-Nusayayn. On avait dit que les « elle » ou « la in » ou « ha » ou « la » font exception. À quel moment, Hamzat al-Wasl, on transforme en kata ? Ya Allah. Ya Allah. Naam. Et ça c'est ce qui concernait le hamza en début de mot. Même le hamza en début de mot. الآن يقول ثانيا الحمزة المتوسطة. الحمزة المتوسطة. C'est le hamza qui vient au milieu de mot. C'était le hamza ibtidaïa en début de mot. Là, c'est au milieu de mot. C'est celui qui a le plus de règles en général. قال الحمزة المتوسطة هي التي تأتي في وسط الكلمة الصالة أي من أصل حروف الكلمة نحو سأل رأى سأل أفئدة أفئدة ورؤوس أو تكون متطرفة فتتوسط باتصال حرف أو أكثر من بالكلمة نحو ماءه لجاء وملحاء ملجان أو ملجان. Donc là il parle du hamza en milieu de mot. Et c'est le hamza qui est à la base qui fait partie du mot. C'est-à-dire une autre kalima. Comme dans sa'ala, sa'ala, hamza est au milieu, fait partie du mot. Ra'a, hamza fait partie du mot, il va voir. Sa'ula, kazalik. Af'ida, qui est le jam de fu'ad. Ru'us, qui est le jam de ra'as. Le hamza fait partie du mot. Ou alors, ce hamza, on le trouve à la fin d'un mot. mais ce mot est attaché à un autre mot ou un dhamir ou quelque chose. Donc il va prendre quoi à ce moment-là? Le même jugement qu'un hamza au milieu de mot. Salam ma. Wa alaykum salam. Kalimat ma. Mim, alif, hamza. Ma, l'eau. Hukmuha, fil hamza, ya, mutatarrifa, en fin de mot. Si le mot est un dhamir, taqul hadha ma ouhu. Là, le hamza prend le jugement d'un hamza au milieu de mot. Donc au début, il va donner les kawaïd et après, il va donner l'application avec des exemples. Ça c'est du hivv. L'artège, il est hivv. Mais moi, je ne te cache pas que j'ai fait ce livre-là. À chaque fois, c'est pas mahfouz. Dès que je le relis le livre, ça revient dans ma tête. Mais si demain, tu venais m'interroger, je ne pourrais pas te répondre. Quand je vais écrire, j'arriverai à écrire. Mais tu me diras pourquoi, je dirais, voilà. Le Tadbir, il est là, mais le Arkem. Alal Asaf. Sallallahu alayhi wa sallam. تقصيري ذا قال قاعدة رسم الحمزة المتوسطة كما سكيس الحمزة عمي يدمو ترسم الحمزة في وسط الكلمة على صورة حرف يناسب الأقوى من حركتها وحركة الحرف الذي قبله وقبلها donc ce حمزة سكيس sous la forme de la lettre qui est la plus proche de sa حركات la plus forte ou la حركات du حرف qui le précède. أقوى الحركات الكسرة الحفاظ الحركات سيها كسرة يناسبها الياء كسرة سيكوا كي يديوها كم لتر سيلو ياء معروف ويليها الضمة يناسبها الواو أبقى لها بفورت سيها الضمة الضمة سيكوا كي يكون يا واو ويليها الفتحة ويناسبها الألف التوازيام حركة كي لها بفاب سيها الفتحة لالتر كي يكون اسمه سيه الألف ويليها السكون ويناسبها السطر إلى الدانيير c'est la sukun. Est-ce qu'il lui convient à la sukun? C'est d'être sur la ligne. Alia as-sakina bi manzilati al-kasra. Tamam? Alia as-sakina, liya sakina et comme une kasra. Al-waw as-sakina bi manzilati al-dhamma. À part s'il y a une haraka de son djinn qui vient avant, ça sera un med. Mais si un yasa qui n'y vient, et devant lui, c'est pas un kasra qui est devant, il aura un jugement d'un kasra. C'est un bait. Bait, il n'y a pas de med. Et le waou, saakina, a le statut de la dhamma. Sauf s'il est précédé d'une dhamma aussi, ça sera un med à ce moment-là. وتكره الكتابة العربية توالي الأمثال إذا توالت الأمثال رسمت الحمزة على سطر et qu'on n'aime pas avoir plusieurs lettres de même jeans d'affilée en langue arabe comme le waw comme le ya donc si elles viennent d'affilée ces lettres là d'accord avec le hamza à ce moment là le hamza va s'écrire où sur la ligne comme par exemple on a pris dans rous ça va venir inchallah. وإذا ترتب على الرسم على رسم الحمزة على السطر انفصال الكلمة ورسمت الحمزة على النبرة لتتصل الكلمة si jamais le hamza s'écrit sur une ligne que cela cause une coupure du mot à ce moment-là on l'écrira sur nabra c'est je sais pas comment traduire Hein? Là, ça c'est la sotre. Là, c'est sur la ligne, justement. Non, attends. Je ne sais pas comment traduire ça. Af'ida. Tu vois, Af'ida? Voilà. So, maintenant, il va donner les exemples. Tadbir de la qa'ida. T'as appris. Quand on est tadbir de la qa'ida. Awalen rasm al-hamza ala surat al-ya. Quand est-ce qu'on écrit le hamza sur la forme d'un ya? Tursam al-hamza tu ala surat al-ya iza kanat maksoura. أو قبلها كسرة أو يا ساكنة ولا ينظر لبقية الحركات لقوة الكسرة donc c'est حمزة on l'écrit sur la forme de naya si jamais elle est maksoura كسرة ou alors ce qu'il y a devant ce حمزة c'est maksour ou alors c'est un ya ساكن devant il ne regarde pas le reste des حركات car la kasra est la plus forte. Exemple, su'ila. Su'ila, le hamza là, il est quoi? Non, parce qu'il est su'ila, par exemple. Zu'ira. Pourtant, ce qui est devant le hamza, c'est quoi? Zamma, et après, c'est. Mais on regarde pas ce qu'il y a après, on regarde ce qu'il y a avant seulement. Ya'isa. Voyez? Raïs. Mutma'innun. Ya'innu. Yakta'ibu. Mulji'ihi. Ma'ina. لمجيئه جزئي donc là le hamza est écrit sous la forme d'un ya parce qu'il est maksour ou alors il s'écrit sous la forme d'un ya parce qu'il est devant et maksour et donc après les autres harakat là c'est l'exemple du Hamza Maksura. D'accord? Amsilat al-Hamza al-Masbuka bi-Kasra mahma kanat harakatuha. Maintenant, regarde le Hamza qui est précédé d'une Kasra, quelle que soit la harakat de ce Hamza. S'il est précédé d'une Kasra, il sera sur le Ya. Kazalik. Mathalen, unabbi'ukum. Regarde, ونبئكم حمزة c'est quoi son harakat dhamma et qu'est-ce qu'il y a avant kasra donc à ce moment-là c'est quoi sur le ya mabadiukum hamza c'est quoi sa harakat dhamma c'est quoi qu'il y a devant kasra n'am shati'uhu نفس الشيء mubtadi'un ri'atun mi'atun fi'atun سيئتون وآمون وآمون فن مئذنتون فئران الجمع دو كوا فئران فأر لغة لصوغي بئرون اتمنى اتمرى اتزرى اتلقى اتدم اتم اتلف ائتي انف ائتناف donc là on a l'exemple de hamza avec la dhamma exemple de hamza avec la fatha attends il est le مفتوح il est le مفتوح رئات مئات فئة سيئة وئام donc cela ميزانة ça ce sont où le hamza il est مفتوح et lorsqu'il est ساكن اتزرى اتلفى اتدمى اتمى غير ذلك et tous s'écrivent pareil pourquoi parce que ce qu'il y a devant le hamza c'est كسرة أمثلة الحمزة المسبوقة بياء ساكنة مهما كانت حركتها maintenant le hamza qui est précédé par aya quel que soit sa harakat à ce hamza le même que ce qu'on prend maintenant c'est que la réponse d'une kasra on aura quoi aya shay'uka fay'uhu maji'uhu say'un may'us bay'atun yay'asun yaji'an yasi'an يضيئاً يفيئاً donc là مثلاً شيئك حمزة c'est quoi sa harakat dhamma il y a quoi devant yasakina yayasu الحمزة c'est quoi sa harakat fatha mais c'est quoi qui est devant ثانياً رسم الحمزة على سورة الواو Donc là, c'est écrire le Hamza sur la forme d'un Ya. Maintenant, écrire le Hamza sur la forme d'un Waou. ترسم الحمزة على سورة الواو إن كانت مضمومة أو كان ما قبلها مضمومة بشرط خلوها أو شرط خلوها ما قبلها عن الكسر donc si jamais le حمزة il est مضموم il s'écrira sur la forme d'un واو ou ce qu'il y a devant le حمزة est مضموم s'écrira sur la forme d'un واو à condition qu'il ne soit pas possédé par une كسرة ou même un ya. Sinon, on va tomber dans le cas précédent. Il s'écrira sur le ya. Parce que le ya, c'est comme le kasra, et le kasra, c'est le plus fort. Amsila, la hamzat al-madmouma, ghayr masbouka bi kasra. Les exemples. Tabarru'ukum. Tala'lu'uhu. Ju'uhu. بأوسا رأوسا أرؤوس أبؤر وأبؤر بدؤه التفاؤل هواؤها donc tout cela le Hamza il est مضموم sur la forme d'un waou parce que devant il n'y a pas de kasran de ya et ils sont sous-précédés dans le dhamma donc ça rentre dans les deux exemples en fait طيب ثم قال امثله الحمزه المسبوكه بالضم ضمه وليست مكسوره maintenant si ce hamza précédé du dhamma et qui n'est pas maksura ce sera waou. Et ça كذلك, c'est-à-dire qu'elle sera soit madmouma ou soit maftouha. Si le hamza précède un waou et qu'elle n'est pas maksoura, il n'y a pas de kasra dessus, elle s'écrira sur le waou. Quelle que soit sa haraka déjà, entre deux, soit fatha ou soit dhamma. مؤنن يؤكد يؤجل يؤكل لؤي رؤى يؤول مؤامرة سؤال مؤمن لؤم شؤم أؤتمن أؤتمر أؤتزر أتدك أتدم أتم أتلف عفوا ça peut être نظم فتح سكون on oublie de dire سكون aussi en même chiffre faut pas qu'elle soit مكسورة si il y a une كسرة خلاص ça va s'écrire sur quoi sur le ya sur le ya طيب وما استلا pour pouvoir tenir ça là inchallah que le hamza al mutawassita peut s'écrire sur le waw sur le ya ou sur le alif et sur le sotr aussi en milieu de mot mais ça pour pas que ça fasse que le mot il se coupe on met sur hamza c'est le hamza على النبيرة يعني c'est comme le ya en fait en premier lieu on a dit pour que ça soit la forme d'un ya c'est qu'elle soit déjà premièrement kasra ou alors précédée du kasra ou d'un ya ou d'un ya pour s'écrire sur un waou comme la forme de dhamma ou على le waou là en fait qu'elle soit posée par une dhamma à condition qu'elle ne soit pas maksoura et l'autre c'est quoi l'autre ça c'est le deuxième, ça c'est le dernier qu'on a pris pour indiquer. Ah et ouais. Et l'autre c'est quoi? L'autre c'est... Si elle est... Waouh. C'est soit qu'elle est madmouma, comme on a dit, et qu'elle n'est pas précédée par une kasra. Niaya. Ou alors l'autre. Même s'il n'est pas madmouma. D'accord. Que ce soit pas précédée d'une kasra. Là, vous reprenez le niaya, pardon. Elle soit précédée d'une dhamma, mais qu'elle ne soit pas maksoura. Elle peut être madmouma ou maftouha. Donc la première, qu'est-ce madmouma, vont précéder d'une kasra. Ou même daya. Et l'autre, quel que soit sa harakat, il ne faut pas qu'elle soit maksoura plutôt. Elle peut précéder d'une dhamma. D'une dhamma. Elle peut être maftouha, elle peut être madmouma, elle peut être sakin. Un miché, il ne faut pas qu'elle soit maksoura. Il faut qu'elle soit précédée d'une dhamma. Et elle, il ne faut pas qu'elle soit maksoura. C'est un peu comme la confusion, mais après, tu vois, Inch'Allah, toi, si tu arrives à prendre un exemple de chaque dans ta tête, tu le gardes comme socle, Inch'Allah, ça va rester. Tu prends un mot d'un exemple, le falen, d'un hamza, maksour, d'accord, précédé d'une kasra ou d'un ya. Un mot. Tu prends un exemple de Hamza qui est précédé d'un Yasakin, quelque chose de Harakat. Tu prends un exemple de Hamza qui est précédé d'un Dhamma et qui n'est pas Maksoura. Et tu prends un exemple de Hamza qui est Mazmoum et qui n'est pas précédé d'une Kasra. Et après, si tu retiens ça, un exemple de chacun, bien ça reste. Moi, je dis qu'aujourd'hui encore, ça me perturbe. Le corps et les exemples sont perturbants. Mais quand tu écris, ça vient, tu vois. Mais c'est après, quand tu fais le khulasa, en fait, tu dis pourquoi. Tu dis, oh, c'est là que ça... Voilà, quoi. Ouais, c'est pas en fait que tu écoutes tous les jours, aussi. Hein? C'est pas comme les autres phonèmes. Tu les entends dans les gros sahams, mais tu prends pas trop, d'ailleurs. Tu l'entends pas, mais tu l'appliques. Ouais, tu l'appliques. Donc, voilà, quoi. T'as même? Et demain, on prendra, Inch'Allah... Hamza à l'alif et à la satr. Sur la ligne, inshallah. Wa ilaha huna, walhamdulillah bil alamin.